السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ce qui avait été annoncé, c'est une conférence relative à certains points de la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'ah, mais n'ayant pas eu la capacité de finaliser la préparation du sujet, nous allons lire ensemble un autre épître aussi relatif à la voie et à la croyance et au minhaj, à la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'ah, qui est le livre Al-Aqidatul Wasitiyah de Cheikh l'Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. L'auteur rahimahullahu ta'ala a écrit ce livre, comme vous le savez, suite à la demande d'un homme qui s'est plaint des nombreux troubles qu'il trouvait dans sa contrée, dans sa région, dans son pays, les nombreuses déviances et les nombreuses innovations. Alors cet homme a demandé à Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala de lui réunir un écrit dans lequel il allait mentionner la bonne croyance, la bonne voie, qui a ainsi, il allait pouvoir se préserver lui et ses proches. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lui a demandé de l'excuser. Et il lui a dit que nombreux sont les éminents savants de l'islam qui avaient écrit dans ce sujet, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala et autres. Mais l'homme n'a cessé d'insister jusqu'à ce qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala accepta sa demande. Il s'est donc assis après la prière du Asr et a terminé au Maghrib, par la grâce et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a écrit ce noble livre qui est un recueil de versets, ou bien la réunion de versets, la réunion ou l'union de ahadith. Na'am. Donc c'est la révélation, et c'est pour cela que cette croyance ou cet écrit relatif à la croyance est un des meilleurs livres qui a été écrit dans le domaine, comme l'a dit Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Il n'y a rien d'étonnant dans cela, car la voie des gens de la sunna est que leur base dans le credo, dans la croyance, est de revenir au Coran, puis de revenir à la sunna, puis de revenir au consensus des savants, sans omettre les paroles et les compréhensions des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui étaient témoins de la révélation et qui étaient dotés de la langue avant son altération et qui ont accompagné, assisté le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi la croyance est prise du Coran et de la Sunna, et elle est comprise à la manière des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et il n'y a qu'à lire le Coran pour trouver ses bases. C'est pour ça que l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala disait: Usuluna, nos bases sont au nombre de trois: Al-Quran, Al-Sunnah, et ce sur quoi étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. L'auteur rahimahullahu ta'ala nous dit: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui a envoyé son messager avec la voie et la religion de vérité. Avec la voie et avec la religion de vérité. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Afin qu'il ait prééminence sur toute autre religion et Allah suffit en témoin. L'auteur rahimahullah ta'ala a commencé son livre par la basmala pour prendre exemple sur le Coran et la Sunna. En effet, Allah Azza wa Jal, en effet, dans le Coran, on trouve que toutes les sourates du Coran commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, excepté Sourate Bara'ah, Sourate Tawba, la numéro 9. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de dicter ses écrits et il commençait par dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme dans Sulh al-Hudaybiyah et comme dans ses différents écrits envoyés aux différents gouverneurs. Puis il allouait Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال كما قال العلامة كما قال المؤلف نفسه رحمه الله تعالى الحمد ça signifie mentionner les perfections de celui duquel tu parles avec amour et vénération. Quand tu dis Alhamdulillah, ça signifie Ya Allah, je proclame ta perfection, je te décris par les attributs de perfection, et lorsque je dis cela, j'ai le cœur rempli d'amour pour toi et de considération. C'est ce que signifie Alhamdulillah, comme l'a défini l'auteur lui-même, cher l'Islam, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam al-Harrani, rahimahullahu ta'ala. Et Allah est loué pour deux sagesses, pour deux raisons. On loue Allah pour sa perfection. On loue Allah parce qu'il est parfait. Et on loue Allah car, yani pour ses bienfaits. On loue Allah pour sa perfection. Et on loue Allah pour ses bienfaits. Alhamdulillah, fatir al-samawati wal-ard. Alhamdulillah, alladhi wahaba li ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah, rabbil alamin. Donc on voit dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal se fait ses propres éloges. Et il mentionne sa louange. Et il mentionne sa perfection. Et lorsqu'il y a la mention d'Alhamd, on trouve soit une perfection d'Allah, soit on trouve un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, sachez qu'Allah est loué pour sa perfection et il est loué pour ses bienfaits. Et le plus grand bienfait par lequel Allah azza wa jalla a comblé les mondes, c'est l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde pour les mondes, avec la science et la religion de vérité. C'est pour cela que l'auteur dit ici, Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Al huda, c'est l'ilm al-nafi'. Wa dinil haqq, c'est l'amal al-salih. Al huda, c'est la science profitable, utile et bénéfique. Et dinil haqq, ce sont les actions pieuses. Et c'est ainsi que la personne parfaite, son être, avec ces deux choses-là, la science et sa mise en pratique. Puis, elle dépasse ce niveau pour aider ceux qui l'entourent, aider sa communauté, aider ses proches, en transmettant cette vérité qu'il a su appliquer et en endurant devant les nuisances qu'il se peut ou bien qu'il peut rencontrer sur le chemin. Ainsi, dans Sourate Al-Asr, Allah Azza wa Jal nous mentionne ces quatre bases. Et il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil sabr. Ici, il y a ces quatre bases. La science bénéfique, les actions pieuses, avec ça, l'homme se complète lui-même. Puis il y a, at-tawassaw bil haqq, c'est-à-dire at-da'wa, et il y a tawassib al-sabr, c'est-à-dire l'endurance. Avec cela, l'homme complète les autres. Et ce sont les quatre degrés, na'am, de l'effort. Tu fais des efforts dans l'apprentissage, tu fais des efforts dans la mise en pratique, tu fais des efforts dans la transmission de cette vérité, puis tu fais des efforts dans l'endurance. Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, prononça shahadatan. Al-Shahada, c'est le fait de reconnaître une chose basée sur une science, de la prononcer puis d'en informer autrui. Al-Shahada, le témoignage, c'est le fait d'avoir une conviction qui repose sur une science, une connaissance, de prononcer cette chose puis d'en informer autrui. C'est pour cela que lorsque les hypocrites ont dit Nashhadu innaka la Rasulullah, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah a révélé Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhib. Allah les a démentis dans leur témoignage. Pourquoi? Ça repose sur une science. Ils ont prononcé la parole, mais ils n'ont pas cette conviction dans leur cœur. Ils n'ont pas cette conviction dans leur cœur. Allah les a donc démentis. Donc toi, le croyant, le monothéiste, tu prononces cette parole avec cette conviction dans ton cœur que nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Tu as cette conviction-là, tu adhères à cette parole-là, tu aimes cette parole-là, tu te réjouis que le culte tout entier appartienne à Allah et qu'il soit le seul à me le mériter. Tu prononces cette parole avec science. Tu sais que la ilaha illallah, c'est la parole du monothéisme, la parole de la sincérité. Et qu'il y a deux piliers. La ilaha, c'est la négation. Illallah, c'est l'affirmation. La ilaha, c'est la négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Puis, après avoir fait cette négation générale et absolue, le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, tu viens avec une affirmation particulière. Et tu reconnais que le culte tout entier revient de droit à Allah. Allah nous dit dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Ceci est qu'Allah est la vérité. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et certes, Allah est le plus haut, le plus grand. Donc ça, c'est l'attestation de foi. La ilaha illallah signifie donc la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Puis l'auteur nous dit wahdahu la sharika lah, seul sans associé. Wahdahu vient appuyer l'affirmation dans la ilaha illallah. Et la sharika lah vient appuyer la négation dans la ilaha illallah. Et les savants disaient jadis ta'kidun ba'da ta'kidin ihtimaman bi maqam at-tawhid. Qu'est-ce qu'a dit cette parole Abd al-Rahman ibn Hassan Ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit on a appuyé, après avoir appuyé tout cela pour manifester la plus haute importance au rang du monothéisme. La ilaha illallah, c'est la parole la plus importante. C'est la parole, la meilleure parole prononcée par les prophètes. C'est la clé du paradis. C'est la cause de la vie agréable dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Et sans cette parole, il n'y a pas de vie. Sans cette parole, il n'y a pas de réussite. Wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Quant au témoignage qui vise à affirmer la prophétie de Mohammed et le fait qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous disons que nous attestons que Mohammed ibn Abdillah est le serviteur d'Allah. On ne l'adore pas, mais c'est son messager. On ne le dément pas. Bien au contraire, on a foi en lui, on le suit et on lui obéit. Et on a comme conviction ferme qu'il n'a aucune part dans la rububiyya, aucune part dans la uluhiyya, que ça n'est pas l'égal d'Allah, ni l'associé d'Allah, ni il mérite une part d'adoration. Néanmoins, on reconnaît que c'est le serviteur d'Allah, qu'Allah a anobli et élevé au niveau le plus élevé parmi les créatures. Et il lui a fait atteindre la perfection humaine, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette perfection se concrétise par deux qualités. La première, c'est une assistance de la part d'Allah, et l'homme a fait un effort dans cela. La deuxième, c'est un istifa, c'est Allah qui choisit Naam, et qui élève la personne. C'est pas du ressort de l'humain. La première, c'est Abdou. La deuxième, c'est Rasoulou. Le niveau le plus haut qu'on puisse atteindre, c'est d'être le plus bas devant Allah. D'être un serviteur d'Allah. Naam. Nous, on peut faire ces efforts-là. On peut prier, on peut jeûner, on peut apprendre, on peut appliquer. Naam. Par contre, la prophétie, ça, c'est pas du ressort de l'humain. C'est Allah qui choisit. C'est Allah qui va donner la révélation à un tel ou à un tel. C'est pas du ressort de l'humain de choisir d'être un prophète ou un messager. Donc, ce sont les deux meilleures caractéristiques de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ. C'est le serviteur d'Allah. Il a concrétisé al-ubudiyya, la servitude. Et dans ses stations les plus élogieuses, Allah a fait ses éloges dans le Coran par cette caractéristique. أَنَّهُ عَبْدُ. Allah Azza wa Jalla a fait ses éloges par cette caractéristique lorsqu'il nous dit, il nous parle d'al-Isra, là, le voyage nocturne. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Allah Azza wa Jalla a fait ses éloges ainsi dans la révélation, dans tahaddi et dans da'wa et dans d'autres situations. وأنه لما قام عبد الله يدعو نعم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. Ainsi sachez que le fait d'être le serviteur d'Allah, c'est le niveau le plus haut qu'on puisse atteindre. Un serviteur d'Allah volontaire, tu te prosternes pour Allah, hubban wa ta'ziman wa khawfan wa raja'an. Tu te prosternes pour Allah volontairement, avec amour, avec espoir et avec crainte. Et tu manifestes ces mêmes adorations dans, ou bien ces mêmes piliers de l'adoration du cœur dans chaque adoration. Tu jeûnes avec amour, foi, espoir, crainte et espoir. Tu te prosternes, tu pries, et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est que c'est le messager d'Allah. C'est-à-dire, c'est un serviteur d'Allah. Parmi les humains, le meilleur de sa communauté, le plus noble, qui a reçu la révélation d'Allah. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, lui a donné le message. Et il s'est levé, il a invité l'ensemble des mondes au message auquel avaient invité avant lui les prophètes et messagers. Ce message, c'est da'wa ila tawhid. C'est l'appellation et l'invitation des gens au monothéisme pur. Allah nous dit dans le Coran, « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ وَقَالْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi de messagers si ce n'est en lui révélant nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est moi, adorez-moi donc. Et on a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Il faut donc avoir ce juste milieu envers la personne du messager sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'exagère pas à son sujet au point de l'adorer en dehors d'Allah, mais on lui accorde sa place. Ça, c'est le juste milieu qu'il y a dans l'islam. Puis l'auteur a demandé à Allah qu'il fasse ses éloges ainsi que les éloges de ses suiveurs dans sa religion. En premier lieu, entrent dans cela les compagnons du prophète alayhi as-salatu wassalam. Puis l'auteur, rahimahullahu ta'ala, va exposer de manière résumée la bonne voie à suivre ainsi que la bonne croyance à suivre. Il nous dit « Amma ba'd, fahad a'tiqadu al-firqati al-najiyah » المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. Voici la croyance du groupe sauvé, secouru jusqu'au jour de l'heure ou jusqu'au retentissement de l'heure. Les gens de la sunna et du groupe. Puis ils résument leur croyance en disant wa huwa al-imanu billah, et ça consiste à avoir foi en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wal ba'thi ba'd al-maut, en la résurrection après la mort, wal imani bil qadari khayrihi wa sharrihi, wal imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi, et la foi en la prédestination, que cela soit favorable ou défavorable, c'est-à-dire en la personne du serviteur. Ceci est la croyance du groupe sauvé, soutenu jusqu'au retentissement de l'heure. Al-i'tiqad, c'est la conviction ferme du serviteur. Ce à quoi il croit de manière ferme, c'est ce qu'on appelle al-aqida, le dogme, le credo, la croyance. Et le résumé, ou bien les bases de cette croyance, sont au nombre de 6. C'est ce qui a été mentionné dans le Coran et la Sunna. Quant à la Sunna, dans le hadith de Jibril, le hadith de Omar ibn Khattab, dans le recueil de l'imam muslim, lorsque Jibril lui est venu, « Akhbirni anil iman »« Qala l'iman » أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدره بالقدر خيره وشره. قال صدقت. La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. On peut traduire par bon et mauvais. Mais ce terme-là, bon et mauvais, n'est pas relatif à Allah. Tout ce qu'Allah fait est bon. C'est relatif au serviteur. Est-ce que cela est compris? Lorsqu'on dit le destin bon ou mauvais, c'est pas relatif à Allah. Tout ce qu'Allah fait, c'est bon. Tout ce qu'Allah fait, c'est juste et c'est sage. Mais du point de vue du serviteur, le décès par exemple, est-ce que pour lui c'est bon? Pour lui, c'est dur. La perte de la santé, pour lui, c'est dur. C'est en ce sens-là qu'on dit mauvais. Pas dans le sens où Allah le décrète. Pas dans le sens où Allah fait un mal. Non, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Wa sharru laysa ilayk ». Le mal ne t'est pas attribué. Le bien et le mal, tout a été créé par Allah. Tout est décrété par Allah. Mais lorsqu'Allah décrète, c'est un bien. Ensuite, du point de vue du serviteur, lui, ça peut être un bien, ça peut être un mal, en espérant que cela est clair, ou cela soit clair. Donc ce sont les piliers de la foi, ce qu'on appelle arkanul iman as-sitta, ou bien usul al-iman. Ce sont ces 7 points-là, qu'il nous faut comprendre, apprendre et connaître, ne serait-ce que de manière résumée. Al-firqatin najiya, al-firqa. C'est ta'ifa minan nas. Al-firqa, c'est un nombre de personnes. C'est un groupe de personnes. Et on l'a décrit comme étant nadia. Ce groupe-là est sauvé. Il est sauvé dans ce bas monde de l'égarement, de la perdition, de la division, du suivi des passions. Al-firqa nadia. Et ainsi, ce groupe-là est sauvé dans l'au-delà. Il est sauvé de l'enfer. Al-Mansoura, ce groupe-là, c'est le groupe qui a pris comme guide Al-Qur'an wa Sunnah, selon la compréhension des compagnons. Donc ils reçoivent le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur vivant, et ce soutien peut même arriver après leur décès. Il se peut que la personne soit sur la Sunnah et que de son vivant, elle ne voit pas les effets de son prêche, elle ne voit pas les effets de son bien. Et après son décès, Allah Azza wa Jal fait triompher sa da'wah. Après son décès, Allah Azza wa Jal fait triompher sa da'wah. Sa da'wah, des grands imams de l'islam. C'est pas de leur époque que leurs livres ont été enseignés. Naam. Prenez l'exemple de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Il a écrit ce grand livre, Kitab al-Tawhid. Il a écrit d'autres livres. Ça a été enseigné. Mais subhanallah, subhanallah, combien sont les centaines de milliers, si ce n'est plus, de personnes qui ont étudié Thalathat al-Usul, Al-Qawa'id al-Arba'a, Kitab al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat, et d'autres livres encore, Shurut al-Salah. Naam. Ça sera un exemple. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il est décédé, il était en prison. Et sa science s'est propagée. Sa science s'est propagée jusqu'au fin fond de l'Afrique, de l'Inde, de l'Est, de l'Ouest, et ainsi de suite. Il a qiyam al-sa'a, jusqu'au retentissement de l'heure. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: la tazalu ta'ifatun min al-amadha min ummati ala al-haqq mansura. Il ne cessera d'avoir une partie de ma communauté qui sera secourue, soutenue. حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive et qu'ils soient dans cet état. نعم لا يضرهم من خذلهم, ne leur nuira en rien ceux qui les trahissent, c'est-à-dire qu'ils font partie de la communauté. ولا من خالفهم, ni ceux qui les contredisent, c'est-à-dire à l'extérieur de leur communauté. Ils sont secourus, ils sont soutenus par Allah Azza wa Jal. كذلك ننجي المؤمنين, Allah dit dans le Coran, c'est ainsi qu'on secourt les croyants. Ahli sunnati wal jama'ah, le groupe, les gens de la sunna et du groupe. As-sunna, dans la langue arabe, c'est tariqa, c'est le chemin. Et ce qui est visé ici par la sunna, c'est la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Les gens de la sunna n'ont d'autres imams suprêmes en dehors du prophète alayhi salat wa salam. Ils ne reconnaissent pour personne l'obligation d'être suivi dans toutes ses paroles, dans tous ses avis, si ce n'est le prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lisez le début de Zadul Ma'ad d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, a des paroles magnifiques dans ce sujet. Et l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik et beaucoup d'autres, tous ont mentionné cela. Ahli sunnah, les gens de la sunnah, wal jama'a et le groupe, ces deux choses-là vont toujours de pair. As-sunnah va avec al-jama'a. Le contraire de as-sunnah, c'est le bid'ah, c'est l'innovation. Et le contraire d'al-jama'a, c'est le furqa. Tout comme la sunnah va avec l'union, al-bid'ah va avec la désunion. Et Allah aime al-jama'a et il déteste al-furqa. Et si nous sommes sur les mêmes bases et qu'on s'éloigne du suivi des passions et du fanatisme blâmable, on pourra atteindre l'union. Mais si nous n'avons pas les mêmes bases, à savoir le Coran, la Sunna et la compréhension des compagnons, ou encore il y a le suivi des passions, ou encore le fanatisme blâmable, même si c'est sur un savant de l'islam honorable, alors forcément il y aura une division. Alors forcément il y aura un nufra. Forcément il y aura l'inimitié, il y aura les dissidences à l'intérieur de la communauté. Ahli sunnati wal jama'a est un surnom par lequel on nomme les gens de la vérité. On les appelait ahli sunnati wal jama'a car ils se sont cramponnés à la sunna et ils se sont unis sur celle-ci. Tout comme nous les appelons ahlul athar, tout comme nous les appelons et ta'ifatul mansoura wal firqatul najiyah, le groupe soutenu et le groupe sauvé. Et ces appellations ont toutes une base dans les textes. Ces appellations ont toutes une base dans les textes. Naam. Ça n'est pas une innovation. Tout comme ça n'est pas une tazkiyat al-nafs. Ça n'est pas le fait de se faire ses propres éloges. Non. Mais c'est le fait de se distinguer des voies de l'égarement et des innovateurs. Lorsque la personne dit « Ana min ahli sunnati wal jama'a », ça signifie que je suis un musulman. Ça signifie que je suis un musulman qui prend comme guide le Coran, qui prend comme guide la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et je comprends le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pas à la manière des sectaires, pas à la manière des innovateurs, mais à la manière des meilleurs des hommes après les prophètes, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Car ce sont ceux dont Allah a été satisfait dans le Coran, ceux dont Allah a fait les éloges avant même leur naissance, dans Torah et dans l'Injil. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Allah nous dit à leur sujet dans le Coran. Quant au suivi du Coran, la sunna, c'est évident pour tout le monde. Quant au fait de restreindre la bonne compréhension à celle des compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence, ce qu'on appelle salaf, la preuve est dans le Coran et dans la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « وَأَنَّ هَذَا شِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ » Et voici mon chemin droit, dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers. Dans le tafsir, les sentiers, les voies de l'égarement et de l'innovation. Les voies de l'égarement et de l'innovation. Naam. Allah nous dit dans le Coran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Et si ils ont foi, c'est-à-dire ceux qui viendront après, en ce à quoi vous avez eu foi, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant, alors ils seront bien guidés. Alors ils seront bien guidés. Un troisième verset, ensuite on avance. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Et celui qui fait scission d'avec le messager, après que la voie lui ait été distincte, وَيَتَّبِعِ أَمَاذَا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et celui qui fait scission d'avec la, d'avec le messager, après que l'épreuve ou bien la guidée lui ait été démontrée, et qui suit un autre chemin que les croyants, as-sahaba radiallahu anhu, alors on l'abandonnera à ce qu'il a choisi. Et sa demeure dernière, ou sa finalité sera Jahannam, l'enfer, et quelle mauvaise destination. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a informé des troubles futurs, dans le hadith de l'Irbad, Ibn Sariya, il a dit, Innahuma ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Ceux qui parmi vous vivront, verront de nombreux troubles, de nombreuses divisions. Fa'alaykum bi sunnati. Accrochez-vous donc à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Ainsi qu'à la sunna, la tradition des califes mahdiyin, bien guidés, droits et bien guidés. Addu 'alayha. Mordez-y à pleines dents. Est-ce qu'on a dit addu 'alayhima? Remarquez cela. Ma sunna est la sunna des califes bien guidés. Plus loin, on nous dit, mordez-y, à pleines dents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs sunan à suivre. Mais la sunna des califes bien guidés, c'est le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on a cité au singulier cette sunna. Plus loin. On nous dit, suivez la, ma sunna. Puis on nous dit, suivez la sunna des califes bien guidés, à savoir Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Plus loin, on nous dit, addu 'alayha. Au singulier. Au singulier, parce que ces califes-là ont suivi, comme les autres compagnons, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a averti contre les innovations, et il nous dit, avant cela dans le Coran, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Ou ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. Et dans la sunna, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre, la chose qui est propre à nous, notre religion, son action sera rejetée. Ici, il y a l'interdiction de toute innovation religieuse. Toute innovation religieuse. Donc, ils sont Ahli Sunnati wal Jama'a. Et ils sont Al-Ta'ifatul Mansoura. Et ils sont Al-Firqah Al-Najiyah. Et ils sont Ahlul Athar. Et ils sont Al-Salafiyoun. Tous ces termes-là veulent dire que je ne suis pas une personne de l'innovation. Je ne suis pas une personne qui innove dans la religion d'Allah. Je suis une personne qui me contente de suivre les pas de mes aïeux, de mes anciens, en commençant par le meilleur des anciens. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit à sa noble fille Fatima, « Ni'ma salaf ana lak. » Quel bon prédécesseur suis-je pour toi ? Donc tu n'as pas le droit d'innover, tu n'as pas le droit d'adhérer au sectarisme, aux idéologies qui sortent de la voie de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il vient, il dit moi je suis, yani il suit la voie de, par exemple, la Shia. Naam, il suit la voie des chiites. La Shia mubtadi'a Abdullah lahu bid'a wa iftira'. La Shia sont des gens de l'égarement, ils ont divisé la communauté. Ils ont vénéré des maîtres spirituels, et ils ont élevé certaines personnes plus haut que les compagnons. Certains parmi eux, Ar-Rafida, qui sont une des branches qui ne sont pas, yani, si on veut distinguer Shia proprement dit, Ar-Rafida, ce sont ceux qui insultent les Sahaba radiallahu anhum. Eux, ils n'entrent même pas chez les musulmans. Ar-Rafida, kuffar. Ar-Rafida, ils ne sont pas musulmans. Ils insultent Aisha radiallahu anha, de ceux dont Allah l'a innocenté. Ils insultent Hafsa, les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, les filles des compagnons. Ils maudissent Abu Bakr et Omar. Et ils disent ce sont les plus grands hypocrites. Allahu Akbar. Ar-Rafida n'ont aucune part dans l'islam, sauf s'ils se repentent. Ar-Rafida disent que parmi leurs maîtres, certains ont une science que Mohammed n'avait pas. Parmi leurs maîtres, certains ont une science qui se trouve fi lawh al-mahfouz, dans les tablettes préservées, ce que même un ange, les anges ignorent, subhanallah. Ils se prosternent devant eux. Ils rampent devant eux. Ils sacrifient devant eux. Comme on sacrifie le jour du Eid pour Allah. Comment est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont musulmans? Ou bien qu'ils sont nos frères en islam? Ou bien qu'on a le même Seigneur, et le même messager, et la même voix, et la même Qibla? Comme a dit un homme au Yémen, Hadan Allah wa Iyya, Bali Rafida, Bid'atuhum Kufriya. Leur innovation, elle fait sortir de l'islam. Quant aux Shia, il y a plusieurs sectes, comme Zaydiya. On ne dit pas qu'ils ne sont pas musulmans, mais ce sont des innovateurs. Na'am, ce sont des innovateurs. Il y a par exemple la secte de Al-Ikhwan al-Muslimin. Il y a la secte d'Al-Qadariya, d'Al-Khawarij, d'Al-Murjiya, et ainsi de suite. Tous ces sectes-là sont sortis de Ahli Sunnati wal-Jama'a. Il y a l'Asha'ira, qui font prévaloir la raison sur les textes, et qui disent qu'on n'accepte pas les attributs d'action d'Allah Azza wa Jal, et qui disent, au sujet de la foi, qu'ils ne font pas entrer, ou Al-Murjiya, qui ne font pas entrer, ils sont Murjiya dans l'Iman, ils ne font pas entrer les actions, comme étant partie intégrante de la foi. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre, pour espérer faire partie du groupe sauvé, celui qu'Allah a sauvé dans ce bas-monde, et dans l'au-delà. Quant aux piliers de la foi, ils sont six. Premièrement, croire en Allah. C'est-à-dire reconnaître l'existence d'Allah. Savoir qu'il est la perfection absolue. Lui donner le droit à l'adoration à lui seul sans jamais rien lui associer. Tout le monde doit connaître ça. C'est le minimum. Deuxièmement, la foi aux anges. Savoir qu'il y a des créatures qui s'appellent des anges. Ils ont été créés de lumière. Ils n'ont aucune part dans l'adoration. Aucune part dans la seigneurie. Ce sont des serviteurs d'Allah. Ils ne font qu'au lui obéir et l'adorer, de jour comme de nuit, sans jamais se fatiguer. Certains connaissent leur nom. On y croit comme Jibril, Mikaïl, Malik, Israfil. Certains, on connaît leurs actions. Comme transmettre la révélation. Comme reprendre l'âme. Certains, on connaît leur description. Certains ont deux anges, deux ailes, d'autres trois, d'autres quatre, comme dans Surat Fatir. Jibril avait 600 ailes et il couvrait l'horizon. On croit en tout cela. Le troisième pilier de la foi aux livres. Nous avons foi au fait qu'Allah a révélé des livres sur ses messages. On y croit en tant que guidé et miséricorde. Et le dernier des livres, c'est le Coran. On a une foi particulière au Coran et c'est celui qu'on applique. Et il a abrogé ce qui est venu avant. Ensuite, la foi aux messagers. Ce sont des hommes les plus nobles de leur peuple. Ils ont reçu la révélation, Allah les a choisis. Ils n'ont pas le droit au culte. Ils doivent être obéis, chacun dans leur communauté. Et une foi particulière au dernier messager, c'est Muhammad ibn Abdullah. Al-Hashim al-Quraysh al-Arabi, Sayyid waladi Adam. Muhammad ibn Abdullah, c'est le dernier prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. De Banu Hashim al-Quraysh, le plus noble des nobles parmi les hommes. Et c'était un arabe de Mecca. Naam, il est né l'année de l'éléphant. Et il est décédé à l'âge de 63. Il est né à Mecca, il est décédé à Medina. L'endroit où il a fait le hijra. Son prêche était Tawhid. Tu dois connaître cela. Tu dois connaître ce messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois le suivre, lui obéir. Et tu dois veiller à n'adorer qu'Allah. Et cela qu'avec sa voix sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois avoir foi. Ensuite l'auteur nous dit wal-ba'thi ba'd al-maut. Ici il fait référence en la foi au jour du jugement dernier. Au jour dernier. Mais il a mentionné une partie des trois piliers de la foi au jour dernier, car c'est sa partie la plus importante. Et ce dans quoi il y a eu la plus grande divergence entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. Donc il a dit la résurrection après la mort. Sinon, la foi au jugement dernier comprend trois choses qui sont les bases, puis entre dans cela tout ce qui vient après la mort. Premièrement, ce point-là, l'iman bil-ba'th, ba'd al-maut, la résurrection des corps et âmes. La résurrection des gens, corps et âmes. Deuxièmement, al-hisab wal-jaza, le jugement et la rétribution. Troisièmement, le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer. Ensuite, il y a la foi en la prédestination. Allah Azza wa Jal, Allamul Ghuyub, wa bi kulli shay'in 'alim. Allah est savant de toutes choses. Tu dois savoir qu'il connaît tout sans exception en détail, le passé, le futur, le présent, même l'impossible. Si cela avait été, il sait comment cela se serait déroulé. Deuxièmement, tu dois savoir que tout a été inscrit dans ce qu'on appelle al-lawh al-mahfouz, les tablettes préservées. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير الخلائق الى يوم القيامه. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a créé la plume, il lui a dit écris. Que dois-je écrire? Dit la plume. Allah lui dit la prédestination de toutes les créatures jusqu'au jour de la résurrection. Tout a été inscrit. Tout a été inscrit. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Naam. Le troisième pilier du destin, c'est le mashi'a. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ma sha'a Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. C'est de savoir que tout ce qu'Allah veut se produit et se réalise. Et ce qu'il ne veut pas ne se produit pas et ne se réalise pas. Personne ne peut repousser ce qu'Allah décrète. Et personne ne peut modifier ce qu'Allah veut. Le quatrième pilier de la foi au destin, c'est Al-Khalq. C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a tous créés, nous, ainsi que nos actions. Voici, de manière résumée, la foi aux six piliers du Iman. Et cela doit être l'objet de notre étude jusqu'à notre mort. C'est un point très important. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, poursuit et nous dit وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا صَفَى بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَبِمَا صَفَى بِهِ رَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. Entre dans la foi en Allah, le fait d'avoir foi en ce par quoi il s'est décrit dans son livre, et ce en quoi l'a décrit, ce par quoi l'a décrit son messager, c'est-à-dire la Sunna. N'est-ce pas qu'Allah dans le Coran s'est décrit à nous? Il nous a mentionné ses noms, ses actions, ses attributs. On doit y croire. Le prophète alayhi salatu wa sallam, n'est-ce pas qu'il a décrit Allah à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers ses actions? On doit y croire. Tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, on y croit. Sans aucun doute. Mais cette croyance doit reposer sur les bases authentiques. Quand on affirme ce qui est venu dans le Coran comme nom et comme attribut, comme action pour Allah, on doit faire attention à deux péchés majeurs et deux égarements gravissimes. Le premier s'appelle at-tamthil. C'est la similitude. Ça consiste à avoir comme croyance ou à dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, sont identiques aux attributs de ces créatures. Tabarakallah, ta'ala Allah, an dhalik. On doit affirmer les noms et les attributs d'Allah, mais on doit dire qu'Allah n'est pas identique à ses serviteurs. Car Allah dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui soit identique, et c'est lui, l'audient et le clairvoyant. At-tamthil, on le traduira par l'assimilation. ça consiste à dire que les attributs d'Allah sont identiques, c'est-à-dire en tout point de vue comme ceux de ses créatures. Le jugement de l'assimilation, c'est de la mécréance majeure et du shirk akbar. Deuxièmement, on doit faire attention à ce qu'on appelle التكييف. التكييف englobe deux points. Premièrement, dire que les attributs d'Allah sont comme ceci ou comme cela, en s'imaginant un commun à Allah. Entre dans le takif le fait de questionner sur le comment. Par exemple, Allah dit dans le Coran, « Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday » Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Et takif consiste à dire, comment sont les mains d'Allah? Ça c'est haram. Ça c'est une bid'a. Et c'est un égarement. Car Allah nous a informé dans le Coran qu'il avait deux mains. Mais il ne nous a pas informé du comment. Et les compagnons n'ont pas questionné sur le comment. Donc on doit y croire. On doit l'affirmer. Mais on ne doit pas s'interroger ni questionner sur le comment. C'est pour ça qu'un homme est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de l'imam Malik, ce grand imam. Et il a questionné l'imam Malik en disant, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, kayf istawa? Allah dit dans le Coran qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Comment s'est-il élevé? Remarquez, il questionne sur quoi? Sur le comment, sur al-kayfiyya. L'imam Malik a baissé la tête. Et son front a sué devant l'énormité de ce qu'il vient d'entendre de la créature faible, le questionnement sur les seigneurs immenses. Puis il a relevé la tête et a dit, Al-istiwa'u ma'loum. L'élévation, c'est une chose connue, c'est-à-dire connue dans la langue arabe et c'est venu dans les textes. Le sens est connu dans l'arabe. Ala wa artafa. Al-istiwa'u ma'loum. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ D'y croire, c'est une obligation, parce qu'Allah nous a informé du salam dans le Coran, et il nous a dit, آمِنُوا بِاللَّهِ Ayez foi en Allah. Entre dans la foi en Allah, crois en ses noms et ses attributs. Puis il lui a dit, وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ Questionner sur ça, sur le comment d'Allah, c'est une innovation. لَا أُرَى أَوْ لَا أُرَكَ أَوْ لَا أَرَكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا Je ne vois en lui qu'un innovateur. Faites-le sortir de la mosquée. Il l'a viré de la mosquée. Pour pas qu'il vienne pervertir la croyance des musulmans. Et c'est cela, la rétribution de ceux qui viennent diviser la communauté. Et qui viennent polluer la bonne croyance pure du Coran et de la Sunna. Celui qui vient avec des idées de l'extrémisme. Celui qui vient avec le terrorisme, celui qui vient avec l'irja, celui qui vient avec l'tasawuf, celui qui vient avec, et qui veut rentrer chez nous, et qui veut égarer nos familles, et qui veut pervertir la croyance des musulmans, on doit se désavouer de lui. On doit lui enseigner, le conseiller, ceux qui ont de la science, doivent lui expliquer, lui faire comprendre, s'il accepte, alhamdoulilah, il se corrige. S'il n'accepte pas, on doit boucher nos oreilles et ne jamais l'écouter. Et on doit interdire sa parole. Et on doit avertir contre son mal. Et on doit exposer ses fautes afin de préserver la communauté de son mal. Voyez-vous, s'il y avait un vendeur de voitures qui vendait des voitures et il lésait les gens dans ses voitures en cachant ces voitures qu'on aurait par exemple des vis cachées. Toi, tu as connaissance de cela, c'est un tricheur, c'est un voleur. Et tu vois ton frère qui vient pour faire du commerce avec lui, lui acheter une voiture. Est-ce que tu l'avertirais ou pas? Donc pour une voiture, tu l'avertis pour pas qu'il perde 1000 euros. Et pour la religion, le paradis et l'enfer, tu vas te taire et tu ne l'avertis pas. Qu'est-ce qui est plus important pour nous, la voiture ou bien notre religion? Notre religion. Notre religion est avertir contre les gens de l'innovation est une obligation, il n'y a pas de divergence chez les savants à ce sujet. Et ça ne fait pas partie de la médisance comme l'a expliqué l'imam al-Nawawi et beaucoup parmi les grands savants de l'islam. Donc on doit affirmer les noms et les attributs d'Allah en faisant attention à ces deux graves péchés. On doit aussi rejeter tout ce qu'Allah a rejeté dans le Coran ou a rejeté le prophète alayhi salatu wassalam dans la sunna, c'est-à-dire les défauts, les imperfections et l'anthropomorphisme. Tout ce qui est défaut, Allah Azza wa Jal en est exempt. Allah Azza wa Jal en est purifié, il en est au-dessus, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce domaine, on doit faire attention à deux péchés gravissimes également. Premièrement, ce qu'on appelle at-tahrif. On ne doit pas altérer. On ne doit pas modifier le sens de la langue arabe. Et on ne doit pas faire adopter les termes de la langue arabe des sens qui sont faux ou qui ne sont pas pris en considération dans ce contexte-là. Ainsi, celui qui affirme par exemple le nom d'Allah Azza wa Jal, ou plutôt l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, El-Rabab, la colère, El-Maqt, la répugnance ou le courroux, il ne devra pas dire « Oui, j'affirme cela, mais le sens n'est pas celui-ci. » Ça veut dire qu'il souhaite les punir. Non, on affirme ce qu'Allah a affirmé. Et on affirme avec le sens et le sens de la langue arabe. On ne doit pas altérer le sens des textes. Ceci s'appelle être tahrif, c'est une innovation et un égarement. On doit également faire attention à ce qu'on appelle être ta'til, c'est-à-dire renier ce qu'Allah s'est affirmé de manière totale, le nom et l'attribut et les faits, ou de manière partielle, en reniant une partie de ce qui a été mentionné ici. Mais tu fais comme le prophète alayhi salatu wassalam. Tu affirmes le nom, tu affirmes l'attribut et tu affirmes l'action. Ainsi, tu seras en conformité avec le Coran, la Sunna et la voix des compagnons. De manière résumée, les savants disent qu'il y a trois bases à maîtriser dans ce sujet. La première, c'est un nafi, la négation de toutes les imperfections concernant Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième base, c'est l'ithbat, l'affirmation de toutes les perfections absolues pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième base, c'est tafwid al-kayfiyya ila Allah azza wa jal. C'est abandonner le comment de cela à Allah azza wa jal. Donc, on affirme ce qu'Allah s'est affirmé et lui a affirmé le prophète alayhi salatu wassalam. On rejette ce qu'Allah a rejeté et a infirmé le prophète alayhi salatu wassalam. Troisièmement, on ne connaît pas le comment des attributs d'Allah azza wa jal. Celui qui reste sur ces trois bases-là, incha'Allahu ta'ala, il sera préservé sur la voie de la sunnah. Puis l'auteur rahimahullahu ta'ala nous dit, « Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa ka mithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Fala yanfuna anhum wa safa bi nafsa, wa la yuharrifuna al-kalim عن مواضعه ولا يلحدون ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. Ils ont plutôt comme foi le fait qu'Allah rien ne lui soit nulle chose ne lui soit identique, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ce verset, ou ce bout de verset de Surat Ash-Shura, le verset 11, renferme un trésor de science comme le Coran tout entier. Dans ce verset, on nous montre la bonne voie des gens de la Sunna, à savoir que dans le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, on doit unir entre la négation des défauts et l'affirmation des perfections. Et que la négation à la base, c'est négation générale. Quant à l'affirmation à la base, c'est une affirmation qui est détaillée. Laysa ka mithlihi shay. Il n'y a rien qui lui soit identique. Rien ne ressemble à Allah. Rien n'est comme Allah. Allah, la perfection absolue. Wa huwa as-sami' al-basir. Et c'est lui, as-sami' et c'est lui, al-basir. As-sami' c'est celui qui entend tout. C'est un des noms d'Allah, As-Sami', celui qui entend tout. Il a donc la tribu de As-Sam'a. Il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Al-Basir, c'est celui qui voit tout et qui a la clairvoyance. Il a donc l'attribut d'Al-Basar, Al-Basira, Al-Busr. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, il ne rejette rien de ce par quoi Allah s'est décrit lui-même. Et il n'altère aucune de ses paroles, et ils ne font sortir aucune de ses paroles de leur contexte. وَلَا يُلْحِدُنَا فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ الْإِلْحَاد c'est الْمَيْل الْإِلْحَاد c'est-à-dire le fait de sortir de la vérité pour pencher vers le faux. الْإِلْحَاد dans les noms d'Allah et les attributs d'Allah, il y a plusieurs formes. Par exemple, le fait de dire sur Allah ce qu'il n'a pas dit sur lui-même. Par exemple, le fait de rejeter ce qu'Allah s'est affirmé ou lui a affirmé le prophète alayhi salatu wassalam. Par exemple, le fait de dire que les attributs d'Allah sont identiques aux attributs de ses créatures. Et ce qu'on vient de mentionner, at-tahrif, at-ta'til, at-tamthil et ainsi de suite. Entre dans al-ilhad, le fait de prendre les noms d'Allah et d'en faire des dérivés pour des créatures qui par la suite sont adorées, comme Al-Lat, Al-Uzza, Manah. Vous voyez ces divinités adorées chez Quraysh, Al-Os, Al-Khazraj et autres. Al-Lat c'est pris de Al-Ilah. Al-Lat c'est pris du nom d'Allah, Al-Ilah ou bien Allah. Donc il y a la notion de divinité. Ils ont tiré de ce nom-là un nom pour leur divinité, ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Al-Uzza, c'est la plus grande divinité de Quraysh. C'est la plus grande. Ensuite, c'est Al-Lat, ensuite c'est Al-Uzza. Al-Uzza, c'est pris du nom d'Allah, Al-Aziz, le puissant. Ils ont tiré ce nom-là, ensuite ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Ils l'ont tiré de ce nom-là, ensuite ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Et Mana, c'est pris de Al-Mannan. C'est pris de Al-Mannan. Tout cela s'appelle Al-Ilhad. S'appelle Al-Ilhad. De manière plus générale, c'est le fait de sortir de la vérité pour aller vers le faux. Ce qu'on a cité ici, c'est Al-Ilhad dans les noms, les attributs d'Allah Azza wa Jal. وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ. Pourquoi est-ce qu'il s'éloigne de ses grands défauts, de ses grands péchés? Al-Tamthil, la similitude, la ماذا? Na'am. Comment est-ce que tu avais dit? L'assimilation. Na'am. Le fait de dénaturer l'essence. Tous ces grands péchés que nous avons mentionnés. Pourquoi est-ce que les gens de la sunna s'en éloignent? L'auteur nous dit, لِأَنَّهُ سُبْحَانَ لَا سَمِيَ لَهُ. Comme dans le Coran. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَ. Il n'y a pas de divinité qui mérite la perfection qu'Allah Azza wa Jal a. Est-ce que tu lui connais un homonyme? Wala kuf ala. Rien ne peut tenir devant Allah Azza wa Jal de par la perfection de ses attributs. Et rien ne peut être égal à Allah. Rien ne peut se rapprocher de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui est égal. Et on ne peut faire d'analogie entre les attributs d'Allah et les attributs de ses créatures. Al-Qiyas huwa عند الأصوليين إلحاق فرع غير محكوم عليه بأصل محكوم عليه لعلة جامعة بينهما وبما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء لا يصح القياس بخلقه في حقه سبحانه وتعالى بخلاف القياس الأولوي الذي لا ينبني على تسوية الفرع بالأصل في شيء. Donc, on n'a pas le droit de faire d'analogie entre les attributs des créatures et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Car l'analogie est basée sur un caractère identique dans certains points entre la branche et la base. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala nous enseigne cette base et nous dit: La yusafu Allah illa bima wasafa bi nafsa aw wasafahu bi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam la yutajawazu al-Qur'an wal hadith. Ça c'est une qa'ida عند اهل السنه. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala nous dit: On ne décrit Allah que qu'en utilisant ce par quoi il s'est décrit lui-même. On ne décrit Allah qu'en mentionnant ce par quoi il s'est décrit lui-même. Ou par ce qu'a mentionné son messager sallallahu alayhi wa sallam concernant Allah, et on ne transgresse jamais le Coran et le Hadith. Cette règle est dite de manière différemment ou de manière différente chez les savants ainsi: Asma'ullah wa sifatuhu tawqifiyya. Les noms d'Allah et ses attributs, pour pouvoir les affirmer, on doit se restreindre à ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. C'est pas laisser au beau vouloir de chacun, non, mais c'est ce qu'on appelle tawqifiyya. Nu'aym ibn Hammad, le shir de l'imam al-Bukhari, nous dit: Man shabbaha Allah bi khalqi faqad kafa. Celui qui fait ressembler Allah à ses créatures aura mécru. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafa. Et celui qui renie ce par quoi Allah s'est décrit lui-même, également il aura mécru. Wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu aw wasafahu bi rasuluhu tashbihun wa la tamthil. Il n'y aura jamais dans ce par quoi Allah s'est décrit lui-même ou ce par quoi l'a décrit son messager sallallahu alayhi wa sallam de similitude ou de caractère identique. Voici pour les bases à connaître dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur nous dit: فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِي وَبِغَيْرِ. Allah est plus savant se concernant lui-même et concernant autrui. وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِ. Allah est le plus véridique en matière de parole. Il a les meilleurs récits. ثُمَّ رُسُلُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ. Donc nous, pourquoi on reste sur cette base? Pourquoi on suit que ce qu'Allah a dit? Que ce que le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Allah est celui qui connaît le mieux. Parce que Allah est celui qui a les paroles les plus véridiques. Puis les paroles des messagers, parce qu'ils sont véridiques. بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ. Contrairement à ceux qui parlent sur Allah sans science. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Exempté soit de tout défaut, ou bien exempté soit le Seigneur, le maître ou le détenteur de la puissance devant tout ce par quoi il le décrit, et que la paix soit sur les messagers, et toutes les perfections reviennent de droit à Allah le Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal nous montre qu'il est éloigné de manière parfaite, qu'il est exempt de tout défaut, de toute similitude avec ses créatures, et de toute imperfection. Et il nous montre que les messagers sont sur la vérité. وَلِهَذَا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَهُمْ أَوْ وَسَلَّمَهُمْ فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا صَفَ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ وَهُوَ قَدْ جَمَعَ فِي مَا صَفَ وَسَمَّ بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. On finit sur ça. Donc Allah Azza wa Jal ici nous mentionne qu'il n'a aucun défaut et qu'il est exempt de tout ce qu'on dit, ceux qui ont contredit les messagers. Puis il a salué ou a mis la paix sur les messagers de par le caractère authentique de ce qu'ils ont dit à son égard, des paroles parfaites dans lesquelles il n'y a pas de défaut ni d'imperfection. نستمع على الأدب. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne une règle et nous dit: وَقَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّ بِنَفْسَ بَيْنَ النَّفِ وَالْإِثْبَاتِ. Retenez et comprenez que dans le Coran et la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, un des plus grands buts de la révélation est de se faire connaître par ses créatures. Ainsi, il s'est décrit à travers ses noms et ses attributs. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit dans ce domaine, Allah azza wa jalla, lorsqu'il a cité les noms et les attributs, il a uni entre la négation et l'affirmation. Il a uni entre la négation et l'affirmation. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui sont venus et le sens vient, et le sens, sa forme et l'affirmation. Et il y a d'autres noms, bien moins en nombre, dont le sens est la négation. Les noms dans le sens sont l'affirmation, par exemple: Al-Hayy, Allah, Al-Qayyum, Al-Sami', Al-Basir, Al-Malik. Quand tu dis Allah, le sens, c'est la divinité digne d'être adorée de par l'ensemble de ses créatures. Donc ça, tu affirmes ça. Quand tu dis Al-Hayy, tu affirmes la vie parfaite pour Allah. Quand tu dis Al-Khaliq, tu affirmes que c'est le créateur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'affirmation. D'autres noms nous amènent une négation. Par exemple, Al-Salam, Al-Quddus, Ahad. Al-Salam, celui qui est exempt de tout défaut. Donc ici, l'écriture du terme, on voit que c'est l'affirmation, mais le sens, c'est-à-dire que ce n'est pas précédé d'une particule, une particule qui vient amener la négation, comme la ou bien l'âme. Mais le sens, c'est la négation de défaut, d'imperfection et autres. Ça, c'est en ce qui concerne les noms. Quant aux attributs, pareillement, il y a la négation, il y a l'affirmation. L'affirmation dans les attributs, on affirme par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a al-hayah, al-khudra. Na'am. Il a par exemple la vie, il a par exemple la capacité, il a la al-izza, il y a al-quwa, il a al-quwa, la force, la puissance, et ainsi de suite. On affirme. Ce sont des attributs qu'on affirme. On affirme al-wajh. On affirme al-istiwa, l'élévation dessus du trône. On affirme al-ulu, l'élévation dessus de toutes les créatures. On affirme al-yadan, les deux mains. Al-wajh, le visage pour Allah Azza wa Jal, et ainsi de suite. Tout ce qu'Allah dit dans le Coran, on le dit, on y croit, on l'affirme. Il y a aussi la négation des choses qu'Allah a niées dans le Coran, a rejetées, parce que ce sont des défauts. Par exemple, Allah nous dit, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Ça, c'est une négation. On doit donc, nous, adhérer à cette négation et la rejeter pareillement en disant Allah n'a pas d'enfant et Allah n'a pas été enfanté. Par exemple, wala yadhlimu rabbuka ahada, et ton Seigneur n'opprime personne. Donc on doit infirmer, on doit nier et rejeter le zulm pour Allah. Allah n'est jamais injuste. Allah Azza wa Jalla n'est jamais injuste. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala poursuit la moitié du livre en citant des versets et des ahadiths qui vont venir étayer et appuyer cette règle qu'il a mentionnée ici. فلا عدوان لأهل السنة والجماعة عما جاء بالمرسلين فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: les gens de la sunna et du groupe n'échangent aucunement ce par quoi sont venus les messagers contre autre chose. Les gens de la sunna se cramponnent fermement à la voix des messagers, dans la croyance, dans l'adoration, dans le chemin emprunté, dans les comportements, dans les transactions, dans tout. Ils prennent pour exemple le messager sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur nous dit, c'est ça le chemin droit, le chemin de ceux qui ont été comblés par Allah, parmi les prophètes, les très véridiques, les martyrs et les gens pieux. Celui qui suit la sunna, celui qui s'accroche au Coran et à la sunna, et qui comprend le Coran et la sunna à la manière des compagnons, même s'il lui arrive d'être étranger dans son pays, ou étranger dans sa propre famille, certains se ressentent même cela, même chez eux, au sein de leur foyer, parce qu'ils sont accrochés à l'islam, parce qu'ils veulent adorer Allah, en prenant comme exemple le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ne doivent pas s'attrister, ils ne doivent pas lâcher prise, ils ne doivent pas faiblir, mais ils doivent se rappeler que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Touba lil ghuraba, bonne nouvelle aux étrangers. Et ils doivent se rappeler que Allah nous dit dans le Coran, وَمَا يُتِعِ الرَّسُولُ وَمَا يُتِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Même si tu te vois seul chez toi, accroché à l'islam, même si tu te vois seul chez toi qui fais la prière, même si tu te vois seul chez toi qui veux délaisser les mauvaises choses, l'alcool ou les drogues, les cigarettes, même si tu te vois seul chez toi te préserver et à rester accroché à l'islam, rappelle-toi toujours que tu n'es pas seul. Rappelle-toi toujours que devant toi, il y a Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam qui t'a précédé. Devant toi, il y a tous les prophètes. Ibrahim, Nuh, Moussa, Isa et tous les prophètes. Toi, tu es derrière eux sur le chemin à la tariq. Rappelle-toi que devant toi, il y a Abu Bakr. Tu marches. Vous êtes 5 sur la sunna dans ton quartier. Et tu vois 1000 personnes dans le dalal. Et tu te sens seul et tu te sens faible. Non. Anta ma Allah. T'es avec Allah Azza wa Jal. Et devant toi, il y a Abu Bakr. En quoi ça va te nuire que le voisin n'est pas sur la sunna, il ne te suit pas, il parle sur toi, il te dénigre? En quoi ça va te nuire que les gens de la bid'ah, ils se moquent de toi, ils mentent sur toi, ils te critiquent? Ça te nuit en rien. Parce que toi, tu es avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu es avec Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. C'est ces gens-là qui sont devant toi dans le chemin. Alors reste sur ce chemin. C'est mieux de rester sur le chemin. Puis lorsque tu meurs, Allah est satisfait de toi, que d'essayer de prendre les sentiers qui vont t'égarer. Et ensuite, tu vas sortir du chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, et tu vas te retrouver dans les sectes qui égarent. Et tu vas te retrouver à élever un homme parmi les imams de l'égarement au même niveau que le prophète alayhi salatu wassalam en prenant toutes ses paroles. Wallahu a'lam wa sallallahumma barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rahmatika nasta'in. Aslih sha'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين